pages arrachées au roman de Serge Rezvani. Le vol du feu. Extrait lu par Lou Wenzel et Olivier Balazuc. Lucia relut le titre et se demanda. Balancé par les retours du vent, agréablement enveloppée d'un tissu léger, elle dérivait dans le hamac de raffia, dont la poche suspendue entre les palmes et les feuilles plates du plaqueminier, sauvage, ressemblait à un cocon brodé de motifs exotiques. Une rare profusion de feuillage, mêlée aux roseaux et aux palmes, ensevelissait la maison proche dans un froissement ombreux traversé de lames solaires. Elle chercha dans l'éblouissement mouvant des ronds d'or de quel côté de la page poursuivre sa lecture. Elle tourna le manuscrit, le retourna dans le vent. Il se froissa un peu. Elle prit le crayon entre ses dents et les mains bien libres maintenant, aplatit et lissa sur son ventre la feuille battante qu'elle plia et replia 4 fois. Ses bracelets d'argent firent des étoiles lorsqu'elle arrangea les oreillers sous ses cheveux massifs dont elle aimait la lourdeur encombrante. Elle remua un peu les hanches pour se creuser une nouvelle place et, redevenant grave et attentive, elle voulut poursuivre sa lecture. De la maison lui parvenait la frappe disloquée de la machine à écrire. Elle sourit, heureuse, éprouva le pincement d'angoisse du bonheur, sourit encore, distraite de sourire, voulut crier vers lui sa joie, se retint, sachant que le moindre mouvement, le moindre froissement d'herbe ou de tissu le ferait accourir avec cette expression interrogative, ce « Et alors, qu'est-ce que tu en penses ?» dans le regard, qui chaque fois lui donnait le sentiment de ne pas savoir dire exactement ce qu'elle ressentait, la mettait malgré elle au-dessous de ce qu'elle aurait pu dire, s'il ne l'avait pas obligée par ce « et alors » des yeux de lui dire quelque chose. Le crépitement s'arrêta net. Rutstein apparut entre les perles du rideau, torse nu. Un aigle de poils noirs et frisé sur la poitrine, il resta ébloui. Dans une buée chatoyante, il la vit lui sourire sans quitter des yeux le manuscrit qu'elle tenait parmi les barres d'or roussâtre. Elle sourit entre ses cils. Son bracelet lança 2 étoiles d'argent. Il disparut et le crépitement reprit, moins convaincu, hésitant. Lucia palpa le manuscrit qu'elle avait coincé entre ses jambes et se dit « Et voilà, le livre est là, fini. » Fini. 10 ans de travail, de rire, d'angoisse, 10 ans de vie, ce petit tas de papier moucheté. Une grande joie et un peu de tristesse pour nous deux, se dit-elle. Et que va-t-il faire maintenant ? Elle repensa, émue, à ses premiers livres, s'étonna du trajet inattendu qu'ils avaient tous les deux parcouru ensemble. Elle, que la seule idée du silence de l'envers des mers angoissée jusqu'à l'étouffement, s'était jour après jour passionnée pour cette plongée, cette descente suspendue. Sa gorge se serra. Elle pensa à sa meilleure amie, morte noyée, au large de Toulon par un vent aussi fort que celui-là. Elle se refusa à la pensée, repoussa les images, se raidit dans le hamac balancé. Elle fit non de la tête. Sans le savoir, ses nerfs, ses muscles avaient dit non. Elle remua la tête et d'un regard circulaire se réchauffa de voir la maison éclaboussée d'or solaire et ne s'étonna pas du brusque changement de lumière. Elle, si présente habituellement aux moindres variations, ne s'alarma pas de la lourde paupière roussâtre occultant si vite le ciel. Il était ressorti. Elle se souleva sur le coude entre les barres de lumière rousse et les ronds rougeâtres du soleil. Ce qu'ils savaient tous les deux depuis un moment, sans vouloir le savoir, sans vouloir en accepter la conscience, déchira brutalement leur paresse et leur engourdissement. La forêt brûlait. Sans avoir encore bougé, ils savaient où était le feu. Ils savaient son ampleur, sa force. sa fatalité, ses conséquences. L'odeur résineuse et sucrée que leur cerveau s'était refusé à admettre, enregistrer, reconnaître jusque-là, leur parut soudain poissante, irrespirable. Ils chaussèrent des bottes et montèrent droit à travers le maquis jusqu'au chemin en spirale qui mène tout en haut du piton de Miramas. À mi-hauteur, ils rencontrèrent le vieux Rimbaud. Ils s'arrêtèrent. Leurs vêtements claquaient fort dans le vent. Le vieil homme fit un geste ample et désolé du sud au nord. Puis, tout en se tenant la joue, il prononça dans un remuement difficile des lèvres « Ah, c'est terrible, terrible, j'ai la bouche en feu. Regardez, maintenant j'ai des affres de partout. Regardez, je ne peux ni manger ni boire. Ah, boudiou !» Écartant d'un doigt sa joue, il leur montra l'intérieur de sa bouche où il ne restait plus une dent. Ils virent sa langue ramenée en boule entre ses gencives. Ils virent des fragilités luisantes, des peaux blanches et des roseurs. « Supporte plus monde entier, supporte plus rien !» Et voilà, en plus, autour les incendies qui nous ravagent. Tenez, vous avez vu cet avion? Je me demande à quoi tout ce boucan, ça peut leur servir. Ils restèrent tous les trois silencieux, sous la queue fauve de l'incendie. Le vieil homme claquait la langue, remuait les lèvres, luttait à coups de salive et de crispation contre cette douleur qui l'occupait tout entier. Il les quitta en s'excusant. Sur la crête, le vent horizontal les frappa. Ils ne purent rester debout et c'est plié qu'ils escaladèrent un rocher où ils s'abritèrent au-dessus des gouffres en feu. Avec une précision orgueilleuse et possessive, ils désignèrent à travers l'immense paysage le lieu exact où avait jailli la première flamme. Lucia tendit la main vers la lointaine carrière. Saadi cria quelque chose face au vent. Elle lui répondit. Ce n'étaient plus des paroles mais des cris brefs d'oiseaux. Une fumée épaisse comme une boue s'étirait avec le vent. Ils entendirent des explosions et la fumée se colora d'étincelles rouges et bleues. Sous eux, ils virent l'hydravion glisser entre les plaques de fumée. On aurait dit un gros poisson pâteau. Il ondulait parallèle aux collines en vrombissant très fort. Par moments, des vapeurs s'interposaient entre eux et les fourrures en feu des collines. Avec les fermes, leurs cabanons, les granges, les pistes, la route, les sentiers où s'affairaient des quantités de gens qu'ils connaissaient tous plus ou moins. Serrés l'un contre l'autre dans les secousses du vent, ils observaient passionnés l'immense flaque ardente. Trop malmenés par le mistral, ils durent se déplacer. Cédant l'un à l'autre, ils vacillèrent au-dessus du vide de l'immense paysage jusqu'à une sorte de niche qu'ils connaissaient. Au loin, des casques luisaient, reflétant par moments l'éclat d'un phare ou d'un sursaut de flamme. Des bruits confus, hachés par les frappements du vent, montaient jusqu'à eux. Bribes d'avertisseurs, échos de sirènes, ainsi que d'autres sons cuivrés, électriques et illisibles, vite gommés par les trous du vent. Le soleil disparut, le gouffre devint mauve et les coulées de lave prirent des luisances de rubis. L'incendie que l'on avait cru contenir tout au long de la nuit, se ramifia soudain avec des fantaisies imprévues. Il coula, souple et liquide, contourna le piton de Miramas, remplissant de larges dépressions qu'il déborda avec des ronflements de forge, se répandit, partagé en cinq bras sur les crêtes de cinq vallées à la fois. Dans un grand périmètre, toutes les routes étaient gardées par des policiers. Seuls pouvaient pénétrer dans la zone rouge les corps de combattants organisés, pompiers, militaires et volontaires venus des communes proches, en milices équipées. Les paysans, eux, continuaient à se battre à leur façon, feu contre feu. Et si l'on se mêlait de brandir la loi, homme contre homme. Voyant que l'initiative lui échappait, l'armée fit venir des bulldozers. Mais le feu n'était jamais là où les militaires avaient décidé qu'il serait. Sur le terrain, il y eut des conflits et des accidents mortels. On déploya une telle folie mécanique que les hommes aux commandes des machines finirent par ne plus savoir pourquoi ils ferraillaient et contre quoi. Lucia et Saadi attendaient. Ils avaient décidé de ne fuir qu'au dernier moment, en abandonnant tout derrière eux. Ils ne voulaient rien emporter, souhaitant secrètement que le désastre les laisse démunis, comme au premier jour de leur rencontre. Ils se voyaient recommencer leur vie ailleurs. Eux qui s'étaient enclos par paresse, bien-être, égoïsme, plaisir de la répétition, se surprirent ce matin-là à souhaiter presque qu'il ne reste rien de ce vallon où coulait depuis tant d'années leur vie. Ils se suffisaient, ils se préféraient, ils le savaient. Ils n'avaient nul besoin de preuves ni d'épreuves, mais la perspective d'un coup du sort les provoquait en quelque sorte. Une jeep monta jusqu'à la maison. C'était Fernand du Pralogier. Il ne coupa pas le moteur et cria « Craignez rien, le feu remonte à rebrousse, on l'arrêtera dessous chez vous, craignez rien. S'il nous échappe, on viendra sauver la maison. » « Il peut venir !» cria joyeusement Saadi. « Bon, je redescends !» Il démarra, fit quelques mètres, revint en marche arrière et hurla dans le bruit du moteur emballé « C'est cette vache d'Espagnol ! C'est foutu le feu ! Avec Armel, on l'a... Dans la carrière, on l'a découvert ! Boudiou ! À peine blaireau !» Fernand y mit une sorte de joie féroce qu'il ponctua d'une grimace. Puis son corps entier se pencha lorsqu'il enclencha la vitesse. La jeep repartit, allègre, et disparut dans les fumées au fond du vallon. Lucia et Saadi comprirent en leur corps et sur leur corps l'horreur des flammes. Ils se surent de viande et de graisse combustible. La nouvelle les tint un moment muet, immobile. Ensemble, ils murmurèrent « Donc il l'a fait. » Il l'a fait, et eux ne l'avaient pas cru. Pourtant, il n'avait cessé de le répéter. Il secouait son poing malade et répétait sa rage, répétait son dégoût, répétait les mêmes mots. « Foutre le feu, oui, moi, Liu Ji, je te foutre le feu sur moi et vous tous parmi la colline et les pinos. Tout avec moi, il brûle, jusqu'en bas, là-bas. Et les 900 000 balles, ils sont foutus, volés. Et les 900 000 balles, ils brûlent avec moi. » Il était arrivé avec la nuit. Ils avaient vu la moto avec son phare unique grimper le chemin au moment exact où le vent se levait. Il entra chez eux et l'odeur de pourriture entra avec lui. Ses épaules, sa stature, ses poings, sa voix absorbèrent l'espace. La pièce en fut aussitôt rétrécie. Il se laissa tomber dans un fauteuil et resta un long moment silencieux à secouer la tête en regardant son poing entortillé de chiffons gluants et noirs. Ils reconnurent les serviettes du cercle des travailleurs. Ces mêmes serviettes que Lucia avait nouées sur la blessure, il y avait de cela 15 jours déjà. Le bout des doigts dépassait, ils étaient gonflés d'un bleu noir. Foutu, ah, foutu, il est perdu le salaire, 900 000 balles, foutu, foutu. « Écoutez, demain, Luigi, il foutre le feu sur lui, sur ça et partout avec !» Lucia et Saadi se jetaient des regards consternés. Que faire ? Lui, il vit leurs regards et il lut en eux. Il le leur dit en espagnol et se mit à rire. Il se pencha en avant, secoué d'un long rire désagréable. Saadi posa sa main blanche. Cette main qui avait écrit tant de livres nostalgiques sur l'épaule du bûcheron, ne sachant que dire, ne trouvant ni les mots, ni les gestes justes. Et il sentit sous sa main le rêche des vêtements de l'homme. Pendant tout ce temps, l'odeur de pourriture était là, présente. Il la voyait, cette odeur jaunâtre, gluante, autour du poing malade, et il n'avait pas le courage de débander ce poing, se pencher sur ce poing. Saadi recula. Eut honte de son geste de timide compassion. Il croisa le regard de Lucia et il eut son propre désarroi. Luigi sortit précipitamment. Il l'entendit vomir près des cyprès. Elle murmura : « Tu sens, il est en train de pourrir vivant. Il faut l'emmener chez un médecin tout de suite. Oh, c'est affreux !» Il alla voir l'heure, 3h30 du matin, et se dit qu'il valait mieux attendre le jour. Luigi revint. Il entra et vit que Lucia apportait d'autres lampes à pétrole. Elle posa près des lampes du coton et des serviettes. « Donnez votre main, Luigi, » dit-elle d'une voix qui n'était plus la sienne. « Il faut faire quelque chose, asseyez-vous là !» Luigi agita son poing et fit « Non !» de la tête. « C'est fini. Tout est, il est fini. Fini la travail. Fini. Fini. » Ils insistèrent, Luigi se fâcha. Lorsqu'ils parlèrent de l'emmener chez un médecin, il frappa la table de son poing malade et une sorte de jus noir dégoutta sur le bois. Il était 4h du matin. Lucia fit du café. Luigi en but et ressortit vomir. L'aube rosissait le ciel que le vent barrait de longues traînées. 5h du matin. Luigi claquait des dents. À tout moment, il tirait son briquet de sa poche et l'allumait. Il restait immobile à contempler la flamme qui tremblait du tremblement de ses doigts. 6h. Il s'était endormi, assis dans le fauteuil. Il ronfla et, soudain réveillé, se dressa, un peu hagard. Il parla espagnol, sortit et vit le jour. Il pissa et se dit qu'il aurait pu tout aussi bien ne pas pisser, ne jamais plus, et que tout ça n'avait aucune importance maintenant. Il se savait mort, bien qu'il se tînt encore debout. Il savait sa mort. Il était rempli du vide de cette mort vers laquelle il s'en alla à grande foulée, comme aspiré par elle. Il replia la béquille de la moto et fit partir le moteur. Il ne se retourna pas, mais les vit du coin de l'œil sur le seuil de leur maison. Il leur fit un vague signe et la moto descendit le chemin entre les pins secoués de Mistral. Il entendit Saadi crier, mais il ne s'en soucia pas. Il souffrait et serrait les dents. Chaque sursaut de la moto lui déchirait le bras. Tout le côté droit de la poitrine le brûlait d'une douleur absolue. Il remonta jusqu'au village et s'arrêta à la station-service. Il fit remplir un bidon qu'il amarra sur le porte-bagages. Il enfourcha la moto, remonta lentement la rue principale, laissant derrière lui un long ruban d'air bleu, puis tourna d'un coup vers les bois en direction de la carrière. Il était 11h30. Luigi se sentait euphorique, comme si on venait de le décharger d'un poids terrible. Et il sut que ce poids, c'était l'encombrement de sa vie, qu'il traînait depuis trop longtemps. Et il sut que de perdre la vie lui serait léger, facile, plus doux qu'une guérison. Il était midi moins 25. Il se vit au centre d'une flamme. Et tout en conduisant à travers la forêt ensoleillée, il voyait les pétales des amandiers s'envoler et il recevait sur son visage les pétales vernissés et légèrement collants. Et bien qu'il se sût en été, il était au printemps. Et il se crut revenu dans son village. Et le printemps de son village sentait l'amande amère des rires d'enfance. Et il roulait parmi les arbres fleuris et il savait qu'il était attendu. Et de se savoir attendu, le bouleversait au plus profond de son ventre. Et il se pensa dimanche. Et de se savoir dimanche, lui serra la gorge. Et les pétales de fleurs d'amandier tournèrent, l'enveloppèrent de rires endimanchés. Et il sut que devant la maison, ses sœurs, sa mère, son père, les maris de ses sœurs, les voisins du village l'attendaient, comme sur la photo, assis par ordre, bien raides et empesés. Sauf les petits dont les cris joyeux parmi les pétales qui volaient le vrillaient au plus profond du ventre et il rentrait au bercail et il était attendu. Il conduisait dans un trouble profond. Les pétales tourbillonnaient de plus en plus vite et il sentait sur son visage l'odeur d'amande amère. Et l'odeur d'amande amère, l'odeur et la caresse et l'odeur d'amande amère le frappaient au plus profond du ventre. Il vit l'usine où ses sœurs, ses frères, sa mère, son père, ses tantes, oncles, cousins, ainsi que lui-même enfant, avaient passé des années, des vies à trier les amandes, et il fut bouleversé jusqu'au plus profond du ventre. Il eut soif. Sa langue collait à l'intérieur de sa bouche. Son corps entier tremblait et il eut envie de vomir. La fièvre le secouait. Il laissa la moto debout sur sa béquille, moteur emballé, et s'agenouillant dans l'herbe humide, il but, la tête en bas, aspirant l'eau de la source vive à la façon d'une bête. Il but. Il vomit. Il but encore. Il était midi moins le quart. Il se releva. But encore. Vomit. Il remonta sur la moto, attaqua un raidillon, passant lentement devant les piles de bois en désordre, son bois. Et il sut que jamais plus il n'écorcerait de pain. Pas plus qu'il ne reverrait les vols tourbillonnaires des pétales du bonheur d'enfance au-dessus du rio. Le feu était sur lui. Il l'y avait mis avant de le mettre. Il brûlait d'avance. Et les piles de pain aux chairs roses que le soleil et le vent brunissaient déjà, les milliers de pains qu'il, Alonso et lui, avaient abattus, brûleraient tous ensemble avec lui. Il voyait le feu. Depuis le temps qu'il l'imaginait, il savait exactement où il irait, par quelle voie, par quel détour, par quel raccourci. Il eut envie du feu, et il en eut l'amère impatience. La moto tourna et disparut dans la carrière abandonnée. Le vent secouait les pins et les broussailles tout autour, qui débordaient par-dessus les parois creuses de la pierre. Luigi resta un moment sur la moto, debout, les jambes écartées, les pieds bien solides. Posé au centre de ce cirque secret, comme un ventre. Il coupa le contact, et il n'y eut plus que le vent, les insectes, et sa solitude parmi les pierres obliques. Avec une douceur attentive, il hissa la moto sur sa béquille, tapota le métal en grognant gentiment. Il tourna autour de la moto, détacha les sandoses, prit le bidon qu'il essaya d'ouvrir de sa main valide, le bidon lui échappa. Il s'agenouilla, maintint le bidon entre ses jambes, mais il tremblait tellement de fièvre, d'horreur, d'émotion, d'impatience, qu'il eut beaucoup de mal à dévisser le bouchon. L'odeur d'essence lui redonna du courage. Il aimait sa légèreté gazeuse. Il pensa à son travail, à la tronçonneuse style. Son cœur se mit soudain à le frapper du dedans avec violence, comme s'il voulait fuir, se sauver, l'abandonner, vivre encore, lui, son cœur. Il sut au frappement de son cœur qu'il avait pris conscience. Le moment était venu. Il souhaita, ce qui lui fit tourner la tête, il souhaita une présence, une main solide, rude, qui l'empêche. Mais déjà l'essence se répandait sur lui. Le froid coulait sur sa poitrine, descendait sur son ventre. Il eut un court frisson et murmura « Buenos dias. Oh. Buenos dias. » Et il pensa « Tu le fais. Ça y est, tu l'as fait. » Le briquet était entre ses doigts. Il eut l'effroi, la secousse et la chaleur ensemble. La chaleur, le voile orange, et le bruit. Mais déjà, il ne voyait plus. Bien qu'il sache encore que sa viande grognait et sautait sur place, toute sa peau de nerf s'en allait, s'envolait comme brusquement arrachée. Il n'était qu'une boule de grésillement. Il eut très froid. Puis il n'eut plus rien. C'était « Pages arrachées » au roman de Serge Rezvani. « Le vol du feu », extrait lu par Lou Wenzel et Olivier Balazuc. Musique composée et interprétée par Olivier Longre. Une lecture enregistrée en public à l'Espace Cardin le 13 octobre 2018. Une coproduction France Culture et Le Théâtre de la Ville. Prise de son, montage et mixage, Hervé Dubreuil, Mathieu Tourin. Assistante à la réalisation, Léa Racine. Réalisation, Baptiste Guiton. Le vol du feu de Serge Rezvani est publié aux éditions Actes Sud dans la collection Babel.